deuxième temps de notre série Destin des images dans la fabrique de l'histoire, une série consacrée à comprendre comment des compositions graphiques, photographiques, picturales ont pu devenir des icônes. Nous les avons toutes et tous dans l'œil. La police vous parle tous les soirs à 20h avec un CRS devant un micro de l'ORTF ou encore avec cette ombre chinoise de Gaulle, donc qui dit la Xianli, c'est lui. Ce sont des affiches de l'atelier des Beaux-Arts de 1968, pendant mai 68. Et c'est à l'occasion justement d'une exposition qui se déroule au Palais des Beaux-Arts de Paris, donc en compagnie des commissaires Philippe Artière et Éric Dechassé. Une balade que nous allons écouter pendant toute cette heure, une balade qui a été réalisée par Anaïs Quien et Thomas Duterre sur la façon justement dont l'extrême gauche, à la fois en mai 68 mais également plus tard, a pu mettre en place une véritable culture visuelle, des images en lutte. C'est le thème de cette émission jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Que sera 1968 ? Je ne le prédis pas. Pourtant, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois, l'existence de notre pays. Mais que s'est-il passé alors qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure seulement, c'était le voisinage Bon Enfant. Tout semblait devoir se passer dans les meilleures traditions. Je vous rappellerai à tout à l'heure. Nous sommes en 1968. Les étudiants des universités de Nanterre et de la Sorbonne se soulèvent depuis plusieurs semaines maintenant. Et le 8 mai, ceux des Beaux-Arts entrent en grève. L'école ne tarde pas à être occupée pour devenir le lieu de production de ces centaines de milliers d'affiches qui transmettent les mots d'ordre et les slogans de la révolte étudiante et ouvrière et marquent encore aujourd'hui de leur empreinte la mémoire de mai. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la chaire des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous ? Eh bien, je me trouve devant le Mabillon exactement, mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé, parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas, les CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés. Et une nouvelle fois, les voitures font les frais de l'opération, car les voitures ont été mises en travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Une scène d'une violence inouïe. Je vous rappellerai à tout à l'heure. Nous sommes en 2018. Les Beaux-Arts exhument les archives de ce discours visuel, politique et artistique à l'occasion d'une exposition sur le mai 68 des Beaux-Arts et ses influences sur le discours politique visuel des années 70. Les commissaires Philippe Artière et Éric Dechassé nous guident dans la première salle du parcours, tapissée de ces fameuses affiches. L'élément le plus visible de ce qui va se passer ici, c'est la production d'images. Mais cette production d'images, elle doit autant aux étudiants architectes qu'aux étudiants en art visuel. Éric Dechassé. Et elle doit autant aussi d'ailleurs aux étudiants eux-mêmes qu'à leurs enseignants et qu'à des personnalités extérieures. C'est-à-dire qu'on peut dire que paradoxalement, occupation, ça veut aussi dire ouverture. C'est-à-dire que ce lieu qui était un lieu d'enseignement très traditionnel avec des ateliers très fermés devient à l'occasion des événements de mai et de juin 1968 un lieu qui voit passer énormément de monde extérieur, c'est-à-dire qu'en gros l'ensemble des architectes, l'ensemble des peintres et des sculpteurs et des photographes qui travaillent à Paris passent par ici dans la mesure où ils sont concernés par les événements, en tout cas à peu près tous ceux qui ont moins de 35 ans. À mon avis, il y en a pas mal qui veulent vraiment revendiquer des droits, mais qui entraînent d'autres qui ne veulent absolument rien, qui vont là pour s'amuser. Il y a certains étudiants qui ont des idéales et qui entraînent leurs amis, que ça tente d'aller manifester un peu. Ça les amuse, à mon avis. Ben, je trouve ça très excitant d'aller manifester. C'est une grève. C'est-à-dire que c'est la fin des enseignements, c'est aussi la renomination de l'école ex-école des Beaux-Arts, hein, et que par ailleurs, cette grève, elle commence le 8 mai dans ce moment bien particulier qui est en fait une, Philippe Artière. Une mobilisation contre les violences policières. C'est une grève de réaction qui, encore une fois, fait suite à toute une mobilisation étudiante tout au long du février, mars, avril. Mais cette fois-ci, c'est bien contre les violences qui sont faites à la sortie du conseil de discipline des Nanterrois, à la Sorbonne. Et c'est, de ce point de vue-là, très conforme. Les Beaux-Arts ne se singularisent pas. Par contre, c'est vrai que la proximité et de la Sorbonne et de l'Odéon, l'Odéon est quand même à deux pas, a vraiment du sens. C'est-à-dire, à l'Odéon, il va y avoir beaucoup d'échanges, de dialogues, de débats. Et ici, peut-être quelque chose qui va surprendre l'auditeur, c'est que ici, on va se mettre au travail. Pour demander que M. Bourjac vienne ici expliquer pourquoi il veut fermer la faculté. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Ouais ! L'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Tous les groupements politiques, au fond, s'affrontaient à l'Assemblée Générale. Il y avait les pro-chinois, des communistes, des trotskistes, des anarchos, je ne sais pas quoi. Donc, c'était souvent très agité. Rue Saint-Jacques, les deux barricades de la rue Saint-Jacques, celle donc qui est du côté de Port-Royal et celle qui est au contraire du côté du Luxembourg, toutes les deux brûlent. Ce sont les étudiants qui ont mis le feu à ces barricades pour en faire un barrage plus sérieux et plus solide encore. Toute la nuit, il y avait du monde, toute la journée, ça tournait sans arrêt, quoi. Nuit et jour. Oui, c'est-à-dire qu'on était très jeunes, mais on dormait 2 ou 3 heures par nuit, on ne dormait pas. On se rendait compte que tout le monde était en grève et puis on arrivait quand même à parler. Et il n'y avait plus de radio, il n'y avait plus de télévision, enfin plus ou moins, il n'y avait plus grand-chose. Où il y avait un flic derrière toujours. Mais je veux dire, les affiches, on n'a pas pu nous empêcher. Notre but, c'était ça, c'était la recherche du... entre le texte et l'image, de faire quelque chose, ou un texte seul, ou une image seule, ou les deux, mais il fallait que ça parle tout de suite, il fallait que ça touche directement. Et quand De Gaulle a dit c'est la chienlit, bon, la chienlit c'est lui, c'est sorti, le lendemain il y avait des affiches dans tout Paris. C'était des moyens excessivement frustes, mais je dirais que c'est ça ce qui a créé le style des affiches, c'était un peu cette pauvreté de moyens. C'est d'abord un travail collectif, et c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire que dans le champ de l'art se met en place, à cette occasion-là, des pratiques qui sont des pratiques qui existaient déjà en partie, en particulier au Salon de la Jeune Peinture, mais qui viennent essentiellement du milieu ouvrier, c'est-à-dire qui sont la conséquence de la manière de penser le travail. Ce qui veut dire que va être mis en place assez rapidement donc ce qu'on appelle l'atelier populaire, qui naît de façon très circonstancielle, c'est-à-dire que cela naît d'un besoin de production d'affiches pour avertir l'ensemble de la population de ce qui est en train de se passer dans telle usine, dans tel lieu d'occupation, université ou autre, ou de problèmes plus généraux. Donc on a besoin d'images. À l'époque, le moyen le plus simple pour faire circuler une information, c'est de l'afficher dans la rue. En plus, il y a une sorte de fantasme venant de la révolution culturelle chinoise, de l'idée que afficher dans la rue, c'est aussi un moyen qui est un moyen profondément démocratique. Et donc, production d'affiches, d'abord de façon très circonstancielle, et puis avec la multiplication des demandes et la volonté d'un certain nombre d'artistes de collaborer à ce processus qui va donc s'appeler l'atelier populaire, le passage d'un moyen technique qui est celui de la lithographie qui ne permettait que de diffuser un nombre très réduit d'affiches, qui est un moyen des beaux-arts, à un moyen qui permet une diffusion très rapide et très importante en nombre, qui est la sérigraphie. Must be safe. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take a drag or two. Run, run, run, run, run. Gypsy Devil, you. Tell you what to do. On arrive avec un projet de sujet à traiter dans une affiche. Alors c'est soit en externe, soit en interne. Ce sujet, une personne ou plusieurs s'en saisit ou s'en saisissent, propose un slogan, une image, souvent une association des deux. Et puis, le comité de l'atelier populaire, donc qui petit à petit s'est formé de façon quasi spontanée, qui reprend en partie quand même les structures qui sont celles qui ont été mises en place dans le cadre du Salon de la Jeune Peinture, qui s'était énormément politisé à Paris dans ces années-là, et donc on y retrouve les mêmes personnes, Gilles Ayot, Pierre Buraglio, au poste de commande. Ce comité se réunit, examine les projets, insistant sur la pertinence et la lisibilité des projets, c'est-à-dire en rejetant les projets non pas sur un terrain esthétique, et de fait il y a une très grande diversité esthétique, mais sur un terrain strictement politique, avec une sorte de bémol qu'il faut mettre tout de suite sur ce terrain politique, c'est que on est dans une période qui se veut, à l'intérieur des mouvements contestataires ou révolutionnaires, relativement consensuelle, c'est-à-dire que ne sont jamais retenus des slogans ou des images qui prendraient parti pour une organisation spécifique de la gauche ou de l'extrême gauche plutôt qu'une autre. Mais on voit un certain nombre de projets qui sont soit explicitement maoïstes, soit explicitement trotskistes, soit explicitement anarchistes, et ceux-là sont rejetés. Ce qui est accepté, c'est l'opposition forte, un, au pouvoir en place, deux, au système économico-social qui prévaut associé au capitalisme, et à toutes les structures de pouvoir, de hiérarchie, etc., à l'intérieur de l'université, de l'école, de l'usine, mais pas de mot d'ordre qui suivrait une ligne qui diviserait la révolution, en quelque sorte. Ont été faites à la demande d'entreprises en grève qui venaient nous demander un soutien. Et donc effectivement, on était l'atelier populaire, donc on répondait à la demande d'entreprises en grève. On ne faisait pas la révolution, mais on faisait qu'on était dans un processus de création de quelque chose de nouveau. Si vous voulez. On le sentait tous. On était tous très enthousiastes de ça, et je pense qu'il y avait une ambiance générale qui était fabuleuse. Vol maintenant, de part et d'autre, que sont maintenant les gardes. Les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lançant de l'eau, des lances de pompiers. Les pavés qui répondent. Ça y est, je crois que nous allons connaître une nuit terriblement dure, terriblement agitée au quartier latin. À vous les studios. Ces affiches sont très nombreuses, elles sont très travaillées, mais ont-elles été vues en mai 68? Elles ont été vues, mais parfois celles qui ont été vues, d'une part, n'ont pas été celles qui étaient les plus affichées, et d'autre part, ne sont pas forcément celles qui sont le plus restées dans la mémoire collective. Un point absolument essentiel, c'est qu'on est à Paris, que la majorité des luttes, en dehors peut-être de la solidarité avec les marins-pêcheurs, sont des luttes qui sont des luttes de Paris et de l'approche couronne, parce qu'on oublie que dans Paris, en 68, il y avait des usines, donc que cette porosité-là, elle existait, qu'elle n'existe plus. Donc on a du mal à imaginer qu'effectivement, de ce point de vue-là, encore une fois, l'Atelier populaire des Beaux-Arts, c'est peut-être une des preuves de la jonction entre les étudiants et les travailleurs, qui a toujours fait l'objet beaucoup de discussions. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Bon, là, on le voit clairement qu'il y a, par exemple, avec Citroën, dont les usines n'étaient pas si loin, avec Renault, avec l'île Seguin, mais pas seulement avec la RATP, etc., etc. Vous vous étonnez que les forces de la répression soient dans la rue alors que vous voulez défoncer cette société? Oui, ça effectivement. En fait, nous ne nous étonnons pas, mais nous la combattons. Et effectivement, les forces de l'ordre, qui sont le symbole de la violence de notre société, qui imposent la violence, obligent les manifestants, pour se défendre, à se défendre avec une certaine violence pour ne pas se faire massacrer. Nous avons l'exemple d'une manifestation non violente qui s'est terminée par cette mort. C'est Sharon. Des groupes d'enragés se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre. Dans certains cas, il faut savoir désobéir. Let's click our cameras, 1, 2, 3. It's your bill, the public room, we're having a pee. This one's on the house too. Vous imaginez d'ailleurs tous les deux l'ambiance de cette école des Beaux-Arts entre mai et juin 68. On imagine quelque chose d'assez festif, mais on se rend compte que ces gens travaillent énormément. Je peux dire ce qu'on voit sur les images. Éric de Chassé. Effectivement, qui montre à la fois certaines choses festives, mais qui montre d'abord l'organisation du travail avec l'utilisation de tous les espaces possibles de l'école pour produire ces affiches, l'utilisation du jardin du directeur, des bureaux pour toute la partie de distribution. Il y a beaucoup de photographies qui montrent l'épuisement aussi, c'est-à-dire et de façon très littérale, c'est-à-dire des gens qui sont écroulés dans un coin, et donc on peut supposer que ça n'est pas spécifiquement parce qu'ils ont fait la fête. Il y a quelques photos de pique-nique dans les jardins, justement, mais ce dont on a l'impression, c'est effectivement, en tout cas aux Beaux-Arts, il me semble qu'on n'a pas... Les témoignages ne vont pas dans le même sens que ceux de l'occupation de la Sorbonne, ou assez peu. Enfin, concernant l'occupation de la Sorbonne, encore une fois, on a eu beaucoup d'images qui sont venues et qui ont été faites par la police à l'intérieur de la Sorbonne, souvent après l'évacuation, avec des bouteilles, bouteilles de champagne. Et on voit quand même dans ces espèces d'état des lieux qu'on a aux Archives nationales une mise en scène très forte, un peu grossière, la bouteille qui semble discréditer le travail. Or, à côté de ces mêmes photographies, on a des saisies qui indiquent, comme encore une fois aux Beaux-Arts, qu'on a réfléchi à ce moment-là sur la question de qu'est-ce que c'est que enseigner l'architecture, qu'est-ce que c'est que enseigner les beaux-arts, qu'est-ce que c'est que la fonction de l'atelier, qu'est-ce que c'est que le circuit marchand, hein. On a dit qu'il y avait cette espèce de manifeste tract qui s'appelle base de travail, qui est là affiché à l'entrée, où il est contesté, disons, le parcours école d'art, galerie, musée, et toutes ces institutions, avec le souci de casser ce système dit aliénant. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. On avait une idée de quelque chose qu'il fallait récupérer avec le pavé, quoi. Donc on est resté là. Ensuite, il y a eu tout cette défense du boulevard Saint-Michel avec les arbres abattus et puis le sable en dessous. Et il m'a dit, il faut mettre la plage. La plage, ça lui plaisait. C'est la grande époque du Claude Med. Puis quelques jours après, alors je suis incapable d'en rappeler combien, j'ai écrit sous les pavés la plage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une virgule bleue parce que visiblement, il n'apprécie pas du tout la forme. Et pour faire la césure, j'ai rajouté une virgule bleue. Voilà. Et finalement, c'est celui qui l'a gardé, et il a beaucoup aimé ce truc, il l'a écrit absolument partout. Il l'a bien écrit 100 fois, hein, Fitch. Sur les murs ? Sur les murs, partout, partout. Vive la Compagnie républicaine de sécurité ! Dis, papa, qu'est-ce que c'est, la Compagnie républicaine de sécurité ? Chut, tais-toi ! Plus célèbre, il me semble que c'est « Il est interdit d'interdire », et puis « Pas d'entrave à la jouissance ». Faites l'amour, pas la guerre. CRSS, bon, d'accord, ok. Enfin, rien que le fait de le dire, c'est désagréable. Et CRS ? CRS ? SS. Voilà, c'est ouais. Ça ce que vous voulez entendre ? C'est... Parfait. C'est douloureux, hein ? Si ces conditions paraissent réunies, la reprise des cours à la Faculté des Lettres de Paris-Sorbonne et à la Faculté des Lettres de Nanterre pourrait intervenir dès que les doyens concernés le jugeront possible, c'est-à-dire, je l'espère, pour commencer dès demain après-midi. Si l'ordre est rétabli, tout est possible. Si l'ordre n'est pas rétabli, rien n'est possible. On a sous les yeux fini par tirer le journal d'intendance. Oui, on a tout un ensemble de documents qui ont été soit collectés par des archivistes juste avant l'entrée de la police le 27 juin, soit qui ont été donc saisis par la police quand elle rentre aux Beaux-Arts. Au moment de l'évacuation. Puisqu'il y a de grandes dates importantes, c'est entre, disons, le 14-15 mai, premières affiches, et puis le 27 juin, dernière affiche, avec une affiche qu'on voit là, de l'autre côté, qui est la police s'affiche aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts affichent dans la rue. Et cette affiche, qui n'a probablement pas d'ailleurs été réalisée aux Beaux-Arts, évidemment, est la dernière de la boucle, la première étant usine, université, union, mais étant non pas de la sérigraphie, mais de la lithographie. Et donc, on voit très bien la différence entre les deux. Et ce qui est assez extraordinaire dans l'ensemble des documents qui ont été collectés, encore une fois, par cette double instance hein, d'archivage, les archivistes et la police, c'est la vie quotidienne en fait aux Beaux-Arts pendant la grève et la vie quotidienne de l'atelier populaire qui encore une fois s'inscrit dans la vie de l'école. Mais d'ailleurs on pourrait s'étonner qu'on en ait conservé autant des affiches produites dans des circonstances un peu particulières avec peu de moyens j'imagine. Alors on en a à la fois conservé autant et puis ce qui nous a aussi surpris c'est que les affiches les plus célèbres finalement n'y sont pas. Les tirages allaient de 50 exemplaires à 5000. Donc, ce qui est énorme pour, encore une fois, une production, je dirais, manuelle, enfin, pas du tout mécanisée. Enfin, elle se fait, tout ça se fait à la main avec un rouleau, quoi. Donc, on est devant toute une documentation qui non seulement informe sur ce que c'est que cette occupation en acte, avec une série d'images, de photographies où on voit que ce n'est pas non plus une fiction que ces assemblées générales qui ont lieu dans la cour des Beaux-Arts mais qui ont aussi lieu dans certains amphithéâtres et puis que les comités un peu plus loin, ils se réunissent vraiment, c'est pas du tout une fiction et produisent de l'écrit parce que là on voit il y a un manifeste de l'affiche voilà, comme outil politique. Là, on a un mode d'emploi, un procédé de sérigraphie pour les affiches, c'est-à-dire comment faire, d'une certaine façon. Et là, un journal mural, parce qu'il s'agit de produire des affiches, mais également des journaux muraux. Finalement, il s'agit de communiquer, mais aussi d'occuper l'espace public en dehors de cette géographie de la Sorbonne, de l'Odéon et des Beaux-Arts du quartier latin de mai 68. En sortant du quartier latin, en allant vers les lieux plus résidentiels, et aussi en se faisant le relais des luttes. C'est ça qui est vraiment intéressant à l'atelier populaire. Et pas seulement celle des étudiants. Non, pas seulement, et assez rarement celle des étudiants. D'ailleurs, il y a peu d'affiches qui sont liées aux étudiants, sauf au moment où Cohn-Bendit est devenu indésirable et va être expulsé. Donc, mais d'une certaine manière, ça dépasse la question étudiante. C'est plus la question, une question politique du sujet étranger en France. Et il y aura des affiches d'ailleurs sur les artistes étrangers expulsés dans cette même période. Daniel Cohn-Bendit, on a beaucoup dit que vous étiez d'origine allemande. Est-ce que ça vous gêne pour être un des leaders du mouvement étudiant français ? Oh, vous savez, d'origine allemande, on a dit à mes parents quand ils sont partis en 1933 d'Allemagne, j'ai encore chez moi la lettre, que mon père n'avait plus droit à la nationalité allemande étant donné qu'il était juif. Alors vous comprenez qu'on me rappelle maintenant comme dans Minute que je suis juif et allemand, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai vécu longtemps en France et les nationalités, ça ne me touche pas du tout. Je suis ni français ni allemand. Comment voyez-vous l'évolution de ce mouvement qui a l'air de prendre un peu d'ampleur ? Est-ce que vous pensez qu'il va atteindre les mêmes proportions qu'en Allemagne ou en Italie ? Ça, c'est du prophétisme. Je ne suis pas prophète. S'il y a effectivement, comme beaucoup de gens semblent l'analyser, une crise aussi à l'université française, le mouvement va se développer. Norbert Rochereau, les Invalides, les Champs-Élysées, puis retour au quartier latin. Sur leur parcours, les manifestants oublient deux stations. C'est historique et c'est révélateur, le Palais Bourbon et l'Élysée. Le Palais Bourbon ne représente plus rien pour nous. Pour nous, c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est un vide complet. Ce n'est tout simplement plus quelque chose de représentatif. Quant à l'Élysée, n'en parlons pas. Pour nous, c'est un monument des temps passés. La France, abasourdie par les premières émeutes, ne reconnaît plus ses enfants. Le grand chambardement de Nanterre et de la Sorbonne devient insensiblement une révolution. En l'absence du Premier ministre, Georges Pompidou, qui se trouve en Iran, le gouvernement paraît plus décidé à négocier l'avenir qu'à désamorcer le présent. Dans la soirée du 8 mai, pourtant, enfin, un fait nouveau au Palais Bourbon. Alain Perfit amorce la désescalade. Cet atelier populaire, il est très structuré, il est très organisé, l'intendance, on y voit, on y conserve tous les bons de caisse, on regarde combien de tabac on dépense par jour, combien il faut de papier, bref, on anticipe aussi ce qui peut se passer le lendemain. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le grand soir. Non, on est dans quelque chose qui s'organise non seulement dans le temps, mais qui cherche aussi des financements, qui anticipe éventuellement des accidents. Si on avance un peu dans les vitrines, on verrait par exemple ce camarade tenir les ateliers propres, c'est aussi participer aux luttes du peuple. Donc là, on a quelque chose qui est très fort. Hein. Ranger vos pinceaux ici, nettoyer, et puis organisez-vous. Et toute une série d'affichettes qui témoignent de la vie. Par exemple, la question de la fameuse crèche. Hein, encore, on rentre. Alors là, on est à la limite du légendaire, mais il y a eu effectivement une crèche aux Beaux-Arts pour les étudiants, mais aussi les artistes, enfin tous ceux qui participaient, qui étaient quand même, faut-il le dire, beaucoup des hommes. Hein, alors c'est une crèche pour les enfants, mais en fait on a assez peu de traces des femmes, hein, Eric. Alors, on a très peu de traces des femmes. Il y a pratiquement. Alors d'abord, il n'y a pas de femmes dans les images. Ça n'est pas un sujet iconographique, alors que partout on voit des hommes, que soit le général. Général de Gaulle. Sur ce mur-là, devant nous, on a toute une série d'affiches, on a des colonnes entières de général de Gaulle. On voit beaucoup de général. Quand on voit une femme, ça n'est que Marianne. Hein, c'est assez simple. Ouais. Sinon, ce sont des hommes, c'est-à-dire que les ouvriers sont des hommes, les étudiants sont des hommes, le pouvoir, c'est des hommes, les journalistes, c'est des hommes, les étrangers, c'est des hommes. Il n'y a en fait que des hommes. Dans l'atelier populaire lui-même, il y a des femmes, mais qui, à peu près tous les témoignages, ne produisent pas d'images. Elles sont là pour participer à l'organisation matérielle, comme d'habitude, et c'est vrai de l'ensemble du mouvement de mai, pour faire la cuisine, pour faire le ménage, pour garder les enfants, pour que leurs compagnons puissent travailler. Mais cette manière-là de penser, elle peut être élargie à d'autres qu'aux femmes, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de Gilles Ayot et de Pierre Buraglio, sur lesquels on a beaucoup de témoignages, il semble qu'eux non plus n'aient pas réalisé d'image. En revanche, ils ont beaucoup insisté sur le contenu et beaucoup participé à l'organisation matérielle de l'atelier. On crédite en général Buraglio d'être celui qui insiste sur la propreté de l'atelier et qui passe le balai, etc. Buraglio qui va par ailleurs s'établir en usine juste après mai 68, donc qui tire les conséquences très directes de tout cela. Mais cette manière-là de relativiser ce que serait le travail artistique, et d'une part en n'en faisant pas, en tout cas explicitement, une tâche supérieure aux tâches d'entretien ou d'organisation, d'autre part en refusant de donner un primat à ceux qui sont des artistes déjà relativement connus, voire très connus pour un certain nombre d'entre eux. On peut penser à Marcel Reiss, par exemple, qui rentre des États-Unis pour travailler à l'atelier populaire, et qu'on retrouve d'ailleurs dans la collecte des documents. C'est-à-dire que tout de suite, il y a un certain nombre de gens qui se disent que ça, c'est une production artistique majeure, et que donc il faut la collectionner, mais que ça n'est pas une production artistique qui aurait à voir strictement avec la rareté, ni avec l'autorité ou l'auctorialité des artistes. Alors dans l'histoire, je crois que c'est pas sans lien là avec non seulement effectivement ce qui se passe en Chine, mais ce qui s'est passé dans l'histoire et avec la Commune de Paris, avec cette Commune de Paris qui s'est affichée par cette écriture directement, je dirais performative. Et c'est ce qui est troublant d'ailleurs dans la redécouverte de ce corpus énorme, c'est le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affiches où il n'y a que du texte. Alors qu'il y a eu une valorisation très grande des images en tant qu'images, c'est-à-dire figuratives. Alors que je crois que c'est une des choses qui est vraiment intéressante dans ce qui se passe à l'atelier populaire, c'est le fait que le texte devient image. Qu'il y a vraiment ça, avec des formes extrêmement novatrices, sans pour autant faire totalement rupture avec des traditions qui sont celles qu'on a vues. Encore une fois, on est très proche du Front populaire, hein, on est à 30 ans du Front populaire. Mais apparaître beaucoup la Seconde Guerre mondiale. On voit apparaître la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, elle est quand même assez largement mise de côté parce que la revendication est celle d'une nouveauté. Et ce qui est intéressant dans toute cette organisation de l'atelier populaire, c'est le fait que la revendication d'une nouveauté politique est incarnée ou se passe aussi directement dans la production d'images qui sont censées être des images nouvelles. Donc par exemple, on a un exemple de projet qui est refusé, qui est un projet sur lequel il est inscrit 1917-1968, gérons les affaires nous-mêmes, avec deux figures de soldats de l'armée rouge des temps héroïques de la révolution bolchévique. Ça, c'est un projet qui est refusé. Il est refusé sans doute. Alors, il n'y a pas d'explication. Dans un certain nombre de cas, on a des petites phrases écrites disant slogan trop compliqué ou image à améliorer ou une chose comme ça. Là, il n'y a pas d'inscription manuscrite. Mais on peut supposer que c'est sans doute à la fois parce que la référence est trop explicite à un événement du passé trop lointain, première chose, et que deuxièmement, le type d'imagerie qui est utilisée est une imagerie qui est immédiatement lisible comme trotskiste. Et donc, ça ne peut pas aller, et quand on a des références qui peuvent faire songer à des mouvements précis, y compris historiques, comme Front Unique, par exemple, cette affiche où on voit une sorte de tête de Janus avec des yeux multiples, autant dire que le symbolisme n'est pas très clair quand même. Plusieurs des acteurs de l'atelier populaire disent que sans doute c'est une affiche qui a dû passer à un moment de fatigue généralisée parce que normalement ni elle n'était assez lisible pour pouvoir passer et quant à son slogan c'était un slogan clairement trotskiste donc c'était non. La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité pour les deux voix. Troisième acte. Sur sang, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ramasser des peignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Ce qu'on peut noter aussi, Eric de Chassa, c'est que ces affiches ne sont pas signées. Vous arrivez à repérer malgré tout des auteurs, des illustrateurs ou des graphistes que vous retrouvez dans plusieurs affiches avec votre œil aiguisé ou au contraire la formule esthétique choisie par l'auteur de ces affiches floute totalement et permet cet anonymat jusqu'au bout. Non, on reconnaît quand même beaucoup de mains aussi bien dans le graphisme que dans les images que d'ailleurs aussi dans les textes. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de mains pour les textes, mais on entend une prosodie différente suivant un certain nombre d'auteurs. Alors, on s'est beaucoup posé cette question-là avec Philippe Artière au moment de la préparation de l'exposition. Il se trouve que depuis maintenant une dizaine d'années, un certain nombre d'affiches sont revendiquées par des auteurs qui sont allés en justice d'ailleurs pour les revendiquer pour un certain nombre d'entre eux et que effectivement ceux-là on est obligé légalement de les créditer quelque part de ce qu'ils ont réalisé. Mais les rencontres qu'on a pu faire avec beaucoup d'artistes de la période, et l'exposition s'occupe d'une période plus large que strictement mai 68, a montré que beaucoup de ces artistes revendiquent le fait que c'était bien une création collective. Violence atteint son paroxysme. Notre rôle nationalement, c'est pas de partir au Vietnam. pour aller combattre, mais c'est de faire la révolution en France. Un des éléments qui est très frappant quand on regarde l'ensemble de la production, c'est la convergence entre des buts qui sont des buts qu'on trouve à l'intérieur, ou des moyens qu'on trouve à l'intérieur du monde de l'art au sens strict du terme. Éric de Chassay. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'avant-garde, avec l'idée de la simplification du vocabulaire qu'on voit aussi bien dans l'abstraction que dans le pop art de la même époque, de l'efficacité des images, de la sérialité, de la répétition, du travail collectif, du multiple aussi qui est très en vogue au début des années 1960. D'ailleurs, c'est Rougemont qui rapporte des États-Unis la technique de la sérigraphie qu'il a apprise notamment au contact de Warhol et de la Factory. Donc on a un contact très direct entre une volonté qui est celle des avant-gardes et les buts politiques qui sont poursuivis. Et il y a une vraie convergence, et ce qui sans doute donne la très grande force d'un grand nombre de ces affiches, c'est le fait qu'elles peuvent véritablement faire cette jonction immédiatement dans une très grande urgence, c'est-à-dire en sautant le pas qui est celui qu'on a en général dans les ateliers, etc., qui est celui de la réflexion longue, de la pondération, de l'intérêt des images, etc. Et une des manières de le sauter, c'est le collectif, encore une fois. C'est-à-dire, c'est le fait que les discussions peuvent avoir lieu très, très vite. Mais je dis cela parce que on voit des affiches qui sont à la fois d'une très grande singularité plastique, et peut-être que là, on y voit la trace d'un certain nombre d'artistes, et puis aussi d'une grande efficacité. Je pense par exemple à une des affiches qui parle d'une des luttes qu'on a un peu oubliées sur mai 68, qui est la lutte de soutien aux travailleurs immigrés. On a trois versions de cette affiche qui s'appelle « Travailleurs français immigrés unis ». Une petite version qui est en noir et qui bave un peu, à vrai dire, qui n'est pas très bien imprimée. Une autre version sans, avec une image qui est une image tout à fait différente. Et puis surtout, une image en bleu qui est tirée avec un bleu très, très vif, très fort, et un bleu dont on n'a pas tellement l'habitude de le voir dans l'utilisation des affiches. Il y a d'autres affiches qui l'utilisent, mais qui est une couleur très plastique. Outre-mer. Un bleu outre-mer, très plastique, qui n'est pas censé faire partie du vocabulaire de l'efficacité publicitaire. Si on se réfère à un certain nombre de modèles, où on a un slogan qui est « Travailleurs français immigrés unis », qui est en partie inscrit sur deux corps d'hommes, on l'a dit, de façon très explicite, l'un français, l'autre immigré, donc l'un blanc, l'autre bleu, les deux étant séparés par un homme de plus petite taille qui a simplement un chapeau, ce qu'il désigne évidemment comme le patron. Et la manière dont tout cela est travaillé est à la fois, alors ça utilise le vocabulaire de la caricature dans la simplification, mais on aboutit à une composition qui est à la fois extrêmement équilibrée, très simple. Puis quand on commence à la regarder, on se rend compte que chaque chose est parfaitement maîtrisée. Et donc ça n'est pas le contraire de l'urgence. C'est juste que, y compris sur ce terrain-là, il y a une chose qui est tout à fait remarquable. Je dis y compris sur ce terrain-là parce que on a de nombreuses autres affiches produites par l'Atelier populaire des Beaux-Arts. Et puis c'est un combat qui va devenir un combat essentiel de l'extrême-gauche française dès c'est la fin des années 1960, début des années 1970. C'est ce combat pour les immigrés, avec des affiches composées notamment uniquement de textes aussi, mais de textes multilingues, appelant à l'unité des travailleurs immigrés, des travailleurs étrangers et des travailleurs français. Évidemment, c'est un thème qui est peut-être plus lisible aujourd'hui, d'une certaine façon, qu'il ne l'a été pendant la relecture de mai 68, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. En fait, c'est assez étonnant parce que dans les travaux, dans toute l'historiographie française, cette présence des travailleurs immigrés, elle a été souvent évoquée, souvent documentée. Mais ces affiches... Philippe Artière. Et il n'y a pas que celle-là, hein. Il y en a plusieurs, et ces affiches, il y en a certaines qui sont aussi en bilingue, et ben, ces affiches n'ont jamais été mises en avant, comme s'il y avait eu un blanchiment, d'une certaine manière, de 68. Alors même que les historiens en avaient parlé. Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture. Contre la poésie aragonesque, demandez rupture, revue d'action surréalisme. Le journal des combattants du Vietnam, le journal des combattants vietnamiens. Sur la fraude de l'Union du Vietnam. Le gouvernement révolutionnaire. D'ailleurs intéressant de voir que dans les affiches, certaines affiches de l'atelier populaire, le texte a quasiment disparu. Philippe Artière. Il n'y a plus qu'une image. Je pense à ce qui sera emblématique des luttes au cours des années 70, c'est-à-dire les usines automobiles. Et on a une image d'ailleurs qui est attribuée à Rancillac, qui est déjà est quasiment, je dirais, un tableau. Ou en tout cas où on voit que il y a cette prise de distance vis-à-vis du texte parce que l'image fait là déjà slogan, et c'est ça qui nous intéressait, c'était comment chacun à leur manière participe par l'image de, encore une fois, un moment d'explosion discursif extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire que ces années 68-74, elles sont un âge d'or de la publication de brochures, de périodiques, de revues. Tout ça vient d'une chose qu'on peut observer aussi au moment de la révolution bolchevique, hein. Et dans la suite de la révolution, dans les premières années, c'est l'idée que le monde peut changer et que les images peuvent faire changer le monde, et les textes aussi. Et puis Pierre Lampenac, qui se trouve au milieu des manifestants, nous disait tout à l'heure que la situation s'était aggravée. Il nous disait il y a à peu près un quart d'heure. Qu'en est-il maintenant, Pierre Lampenac ? Ben, Philippe Aroir, je suis toujours rue Gay-Lussac, à l'angle de la rue Le Goff, et effectivement, les barricades ne sont plus bon enfant comme elles l'étaient tout à l'heure. Bien sûr, aux fenêtres, il y a tout le temps les habitants du quartier qui ravitaillent les étudiants en foulard et en mouchoir, car de nouveau, il y a des gaz. Il y a des gaz de nouveau, les représentants du service d'ordre, des membres du service d'ordre ont envoyé des grenades au chlore, me dit-on, lacrymogène, ajoute d'autres. De toute façon, maintenant la situation se durcit. Alors que Daniel Cohn-Bendit demandait le retrait des forces de l'ordre, alors que certains étudiants commençaient à se fatiguer, alors que le jour allait se lever, il commence à faire frais, les gens sont fatigués, il est à peu près certain que pas mal d'étudiants auraient peut-être songé à quitter le quartier. Et bien maintenant, je crois que... Maintenant, non. Maintenant, la situation est tendue. Maintenant, les slogans fusent. On travaille avec un peu plus d'ardeur que tout à l'heure sur les barricades. Des barricades où flotte maintenant le drapeau rouge. Mais, Paris, mais, Paris. Mais, Paris. Dans ces processus de subjectivation et de terrain de lutte locale, l'un des premiers qui apparaît, c'est le champ de l'art en tant que tel. Éric de Chasset. Autant il a été refusé dans le cadre de l'atelier populaire, où tous les projets d'affiches qui parlaient des galeries, de la pratique de l'artiste, etc., ont été refusés, autant il est très présent après, ce qui explique notamment son importance dans le champ de la peinture abstraite et de la sculpture abstraite. Et qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très fermement révolutionnaire, très formellement engagé à l'extrême gauche, y compris dans des organisations proches de la gauche prolétarienne maoïste, dont la production picturale est complètement abstraite. Et du coup, un des buts de cette exposition, c'est de remontrer à quel point elle est politique. Vers 4 heures ce matin, sur commission rogatoire de la Cour de sûreté de l'État, des forces de gendarmerie cernaient l'École nationale des beaux-arts, 14 rue Bonaparte. À 6 heures, seuls les éléments de la police parisienne se trouvaient encore dans les locaux et gardaient l'entrée principale. Tous les occupants de l'école, soit environ 70 jeunes gens et jeunes filles, étaient conduits au centre de Beaujon et devaient être remis en liberté après vérification d'identité. Ainsi donc, au moment où les premières boutiques, boulangeries, cafés ouvraient leurs portes, le dernier bastion de ce qui n'était qu'un certain reflet de la révolte estudiantine tombait, soit de fatigue, soit ayant perdu la foi. C'est de ces ateliers qu'étaient sorties les affiches de mai au slogan percutant, tiré en sérigraphie et placardé sur les murs de Paris. Cette production faisait d'ailleurs l'objet dans les cafés de Montparnasse d'importantes spéculations et certains collectionneurs voient déjà dans l'achat et la revente de ces affiches un procédé toutefois aléatoire de faire fortune. Camarade, ma peau était encore de mise, et dedans mon cœur seul ne fait pas vieux jeu. Avec ma belle amie, quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble? Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. Si je dois endosser cette vérité droite, avec sa manche gauche, avec sa manche droite, ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie. Mais Paris, mais Paris. C'est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, où les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme. Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères croûtes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Voilà pour cette exposition Images en lutte, la culture visuelle de l'extrême gauche en France aux Beaux-Arts de Paris, avec cette émission qui était composée par Anaïs Quin et Thomas Duterre. Demain, nous continuons notre série Destin des images en nous intéressant à une image photographique cette fois-ci, à savoir une image tirée de l'exposition qui vient tout juste de commencer au Mémorial de la Shoah, consacrée au grand photographe documentaire qui était en Allemagne, donc pendant l'entre-deux-guerres, Auguste Sander. On prendra une de ces images et nous la commenterons.